السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدال على الخير. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a intitulé le chapitre suivant, chapitre « Celui qui oriente vers le bien ». Celui qui oriente vers le bien, c'est-à-dire le mérite qu'il y a dans cette noble action. Certaines actions, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, ne sont pas rétribués comme les autres. Mais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit cette action et en décuple et en augmente sa récompense. Avec une seule action, bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde de nombreuses récompenses. Aussi, la personne, même si elle ne fait pas le bien, même si ça n'est pas elle qui œuvre et met en pratique la bonne œuvre, le simple fait d'orienter les gens vers cette bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala la récompense pour cela. À l'image de l'homme qui fait un rappel et enseigne une sunna à autrui, ces gens-là vont appliquer. Et peut-être que cet homme sera occupé à faire autre chose. Ben pour chacune des personnes qui auront suivi son conseil et auront mis en pratique cette sunna, ce premier homme, enseignant, prédicateur, conseiller ou autre, se verra récompensé comme tous les acteurs. La personne qui oriente vers un cours, la personne qui propage une conférence, et ainsi de suite, la personne qui offre le livre, tous ces gens-là se voient récompensés à hauteur de l'acceptation du conseil, de la mise en pratique de ce dernier. Et ceci est la grâce d'Allah, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. C'est pour cela que les gens de science sont ceux qui amassent le plus de récompenses. Car lorsqu'ils enseignent, ils ont su, ils ont compris, ils ont mémorisé, ils ont appris, ils ont appliqué, puis ils ont transmis et propagé. Sachez alors que tous ceux qui appliquent ce qu'ont enseigné les savants, la récompense vient sur les savants. Que dire alors? Que dire alors des imams de l'islam qui sont des écoles? Que dire alors des compagnons radiallahu anhum qui ont été témoins de la révélation, l'ont mémorisé, l'ont compris, l'ont appliqué, puis l'ont propagé aux quatre coins du monde? Que dire alors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a transmis le message de la meilleure façon, celui par lequel Allah azza wa jalla a complété sa religion et parachevé son message? Il n'y a pas un musulman sur la terre d'Allah azza wa jalla qui a accompli une prière sans que la récompense ne vienne également dans les hasanat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui nous a montré, c'est lui qui nous a enseigné et a transmis le message. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ainsi, nous devons éduquer notre âme à la recherche de ces hasanat et être des conseillers d'orientation, être des prédicateurs, des gens qui propagent le bien et qui invitent. Wala hawla wala quwwata illa billah. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sous ce chapitre, a mentionné un hadith عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. قال لا أجد، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Selon Abu Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, un homme vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « J'ai un problème de transport, accorde-moi donc une monture. » Il lui répondit « Je n'en ai pas, mais va voir un tel, il se peut qu'il t'en fournisse une. » Il s'y rendit et il lui en accorda une. Il revint informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier lui répondit « Quiconque oriente vers un bien, à la même récompense que celui qui l'accomplit. » Dans ce hadith, un compagnon radiallahu anhu est venu voir le prophète alayhi salat wa salam et lui a dit Inni ubdi abi, j'ai un souci sur ma monture. À la base, j'ai ma monture et je me déplace na'am, comme je le souhaite. Mais présentement, j'ai un souci qui m'empêche de me déplacer. Accorde-moi donc, Naam, il lui a dit ensuite, yani, accorde-moi donc une monture. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, je n'en trouve pas. Yani, je n'en ai pas. Mais, rends-toi auprès d'un tel, il se peut qu'il t'en fournisse une. Il se peut qu'il t'en fournisse une. Et ici, on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas contenté de refuser. Mais, de par sa bonté, de par sa générosité et le bien qu'il souhaite à la communauté, il a tenté de solutionner son problème. Il convient donc de prendre exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam. Si une personne te donne un service et que tu ne peux pas, tu lui dis que tu ne peux pas. Cependant, l'excellence est de tenter de solutionner par la suite son souci. Essayez d'intercéder en sa faveur, de lui trouver une solution. Na'am hakadha barakallahu fikum. Et c'est l'attitude de ceux qui ont une haute détermination et qui souhaitent avoir les plus hauts degrés du paradis en faisant le plus de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. Donc il lui a dit, mais rends-toi auprès d'un tel. Rends-toi auprès d'un tel. Et remarquez que le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a pas dit il t'en donnera une, mais il lui a dit il se peut, la'alla, il se peut qu'il t'en fournisse une. Il se peut qu'il t'en fournisse une. Et là, en utilisant ce genre de propos, c'est-à-dire tu ne promets pas clairement, tu n'es pas catégorique, tu ne casseras pas le cœur de ton frère dans le cas où il revient avec une réponse négative. Bien qu'il ait fourni peut-être des efforts, il s'est déplacé, il a eu une gêne, peut-être qu'il se l'a, ça l'a rabaissé. Naam. Donc, utilise les termes adéquats. Utilise les termes adéquats en disant « J'espère que, il se peut que, j'espère en Allah, Inch'Allah, et ainsi de suite. » Naam, et ainsi de suite. Et effectivement, lorsqu'il arriva auprès de l'autre compagnon, radiallahu anhu, il lui en a fourni une. Il lui en a fourni une. Et subhanallah, le sahabi a eu la sagesse et l'intelligence de revenir vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui transmettre la bonne nouvelle. Naam. Il est revenu informer le prophète alayhi salat wa salam. Et dans cela, naam, dans cela, il y a une sagesse. Dans cela, il y a une sagesse. C'est que si une personne t'a orienté et que ça a réussi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne te contente pas de partir ainsi en te réjouissant. Mais viens trouver la personne qui t'a orienté vers le bien. et informe-la de cela. Informe-la de cela. Pour plusieurs sagesses. La première, pour qu'il se réjouisse de ta réussite. Car sache que le musulman sincère et véridique, lorsque son frère réussit dans quelque chose, il se réjouit comme si c'est lui qui avait réussi. De par la purification de son âme, il veut le bien pour ses frères, comme il le veut pour lui-même. Une âme, comme il le veut pour lui-même. Et deuxièmement, tu vas lui donner une motivation supplémentaire et un contentement, ou plutôt une satisfaction dans cet acte. Dans le sens où il va se dire, subhanallah, par la grâce d'Allah, il a réussi à obtenir. Donc, juste en lui disant cela, ainsi je ferai pareil à l'avenir, je tenterai de solutionner les soucis des gens. Et il se rappellera ce hadith. Ad-dalu 'ala al-khayri kafa'il, celui qui oriente vers le bien est semblable à celui qui l'a accompli. À celui qui l'a accompli. On voit ici la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait que celui qui oriente vers le bien a la même récompense que tous ceux qui l'accompliront. Ainsi, on comprend que certaines personnes sont dans leur tombe. Certaines personnes sont dans leur tombe. Elles ne peuvent plus agir. Ni dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, ni rester le Fatiha, ni qulu Wallahu Ahad, ni se prosterner, ni prier, ni jeûner, ni sortir la zakat, ni jeûner, ni faire le pèlerinage, ni l'Umrah, et ainsi de suite. Mais, à un moment de leur vie dans l'islam, elles ont fait un bien. Elles ont éduqué, par exemple, des enfants. Elles ont enseigné le Fatiha, ou elles ont dit à leur fils, fais la prière, ou ne dis pas cette mauvaise parole, ou sois miséricordieux envers tes sœurs, ou comporte-toi bien, ou tiens-toi bien, ou mange avec la main droite, ou mange devant toi. Elles sont dans leur tombe, elles ne peuvent plus agir. Subhanallah, il se peut que tous ces enfants par la suite appliquent ce que cette noble mère Madha enseignait. Alors elle se voit récompensée pour tout le bien que feront ses enfants. Il se peut qu'un savant, un prêcheur, un enseignant, un éducateur soit dans sa tombe et qu'il ne puisse plus faire un bien. Naam, il ne puisse plus faire un bien. Mais ses élèves ont appris de lui, ont compris de lui la religion d'Allah. Ils l'ont appliqué. Par la suite, ils l'ont même enseigné. Ce savant dans sa tombe, les hasanat, lui parviennent. Et je me souviens la première fois que j'ai entendu Shurutu la ilaha illallah avec son explication, na'am, ou que j'ai lu de ce, yani dans cela, que j'ai étudié cela, c'était du grand savant Sheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, qui est décédé il y a peu. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par la suite, j'ai pu enseigner de nombreuses fois les conditions de la ilaha illallah. Et la dernière fois, c'était il y a peut-être un mois ou deux. Et rahimahullah, Cheikh Ubayd, wa rahmatullahi ala ulama'ina, na'am, qu'Allah fasse miséricorde à nos savants. Ils ont laissé beaucoup de bien. Ils ont laissé une communauté. Ils ont laissé des élèves qui, après eux, propagent également la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a des gens dans leur tombe. Et les hasanats continuent de leur parvenir. Naam. Et à l'inverse, une chose très étonnante, c'est que certains sont vivants et marchent sur la terre, mais eux amassent des péchés. Mais eux amassent des péchés, alors que certains sont dans leur tombe, ils ne peuvent plus agir, faire de bien ni de mal, mais ils amassent des hasanats. D'autres sont sur la terre, ils ne prennent pas de hasanats, mais ils amassent des péchés, car ils ne vont pas vers Allah. Il ne marche pas dans les pas du messager, Al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui veut le bien, na'am, et qui veut qu'après sa mort, il ait une seconde vie sur la langue des gens, dans le bien et les hasanat, qu'il entre dans le chemin de la science, puis qu'il applique cette science, puis qu'il la propage. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Et qui prononce de meilleures paroles que celui qui invite les gens à Allah et fait de bonnes œuvres. C'est-à-dire, il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas meilleur que lui. Et la meilleure chose que tu peux avancer aux gens et vers quoi tu peux les orienter, c'est la connaissance d'Allah, Ar-Rabb Al-Azim. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, Al-Ilah, Al-Haq, Al-Mubin. La meilleure chose que, vers laquelle tu peux orienter les gens, c'est La ilaha illallah, c'est Tawhidullah. Ça, c'est la meilleure chose vers laquelle tu peux orienter les gens. Puis la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, la science utile, les œuvres pieuses, les nobles caractères. Wallahi, il n'y a pas meilleur chemin dans ce bas monde que celui-ci. Apprendre, appliquer, transmettre, puis endurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces quatre caractéristiques des bienheureux et de ceux qui seront préservés du nombre des malheureux dans Surat al-Asr, lorsqu'il nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu s-salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, l'homme est en perdition. Exception faite de ceux qui ont cru, ont fait des œuvres pieuses, se sont enjoints mutuellement la vérité, se sont enjoints mutuellement l'endurance. Naam. Et le bien duquel il s'agit dans ce hadith, le bien duquel il s'agit dans le hadith, man dalla ala khayr, quiconque oriente vers le bien. Naam. C'est un bien général. Man dalla ala khayrin. Naam, man dalla ala khayrin. Quiconque oriente vers un bien. Quiconque oriente vers un bien. Il me semble avoir lu al-khayri. C'est man dalla ala khayrin. Quiconque oriente vers un bien. Cette phrase nous mentionne une condition, qui est le fait d'orienter vers un bien. Quiconque, que ce soit un homme ou une femme, oriente vers un bien, ce bien-là est indéterminé, indéfini, dans une phrase où il y a une condition. Ça nous amène comme sens la généralité du bien. Quel que soit ce bien, même si ça n'est pas un bien religieux, la personne se voit récompensée à partir du moment où elle est orientée vers un bien. Soyons donc tous, ikhwat al-iman, des conseillers d'orientation vers le bien, espérant qu'Allah Azza wa Jal nous récompense pour ce qu'on aura fait et pour ce que les gens auront fait par notre cause. Par notre cause. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le chapitre suivant est un chapitre très important et très sensible dans les nobles caractères et les bons comportements. باب العفو والصفح عن الناس. Le chapitre suivant, pardonner et passer outre les erreurs des gens. Pardonner et passer outre les erreurs des gens. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala souhaite nous exposer que parmi les nobles comportements, les nobles caractères, il y a le fait de pardonner à celui qui t'a causé du tort. Et l'islam t'encourage à cela et t'enseigne que c'est un bon comportement et que ça fait partie des meilleurs caractères. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a éduqué son prophète et messager sur cette noble qualité. Et il nous montre que c'est la caractéristique des gens pieux. Il nous dit dans son livre, Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurun rahim. Allah Azza wa Jal nous montre dans ce verset que si on pardonne, que si on excuse Naam. Et on couvre la faute. Certes, Allah, c'est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Ici, on nous encourage à pardonner. On nous encourage à excuser. Aussi, cela a été ordonné au prophète, alayhi salatu wassalam, Naam, dans Al-Qur'an. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a encouragé et a, Naam, a encouragé et a conseillé cela à sa communauté. Et écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous montre que le pardon fait partie des caractéristiques de ses serviteurs pieux. Il nous dit dans son noble livre, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et empressez-vous vers un pardon de la part de votre Seigneur et un paradis vaste comme les cieux et la terre qui a été préparé pour les gens pieux. Après cela, on nous donne une description des gens pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté, écoutez la suite, et qui contiennent leur colère, leur rage. Vous voyez, lorsque on est en colère, une personne nous irrite, nous cause du tort, le ressenti qui brûle de l'intérieur, c'est ça, el rayl. Allah Azzawajal nous dit, wal kadhimin al rayl. Allah fait les éloges de ces gens-là. Ceux qui contiennent et retiennent leur rage. Wal'afina 'anil nas, ceux qui pardonnent aux gens. Et certes, Allah aime les bienfaisants. Certes, Allah aime les bienfaisants. Dans le tafsir de ce verset, le grand savant Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit, en plus de retenir leur mal, c'est-à-dire ils ont la capacité de se venger, de faire et de faire, non, en plus de se retenir, il pardonne à ceux qui les ont opprimés. Il leur pardonne. Dans leur cœur, il leur pardonne. Et il ne laisse rien comme mal à leur égard pour qui que ce soit. Et ceci est la perfection dans la, yani la situation la plus parfaite. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous montre que parmi les mérites d'accorder le pardon, il y a le fait que c'est plus proche de la piété. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Et si vous pardonnez, c'est plus proche de la piété. Et n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Certes, Allah est clairvoyant de ce que vous faites. Parmi les relations dans lesquelles il y a le plus besoin de pardon, ce sont les relations conjugales. Ce sont les couples, l'époux et l'épouse. Naam. C'est la famille, le noyau de la famille. Naam, le quotidien et la multitude des rencontres et des échanges et des demandes de droits et de devoirs. Naam, tôt ou tard, il y aura forcément un clivage, une disparité, dispute ou autre. Allah Azza wa Jal, malgré tout, nous dit, nous enjoint, naam, plutôt à ne pas oublier le bien qu'il y a eu. J'entends certaines personnes dépeindre le conjoint comme si c'était un monstre. Et l'homme dépeindre la femme comme si c'était une diablesse. Naam. Mais pourtant, il a d'elle 5 enfants. Et pourtant, il a fait ses éloges. Et pourtant. Quand bien même toutes ces erreurs seraient vraies, naam, quand bien même toutes ces erreurs seraient vraies, la personne a eu des qualités et a eu des mérites. Et Allah Azza wa Jal te dit de ne pas oublier cela. Pourquoi? Ça va t'amener à relativiser si ça n'amène pas à la réconciliation. Naam. Donc, on ne peut se passer de ce noble comportement. On ne peut se passer, naam, de ce noble comportement. Et une des plus grandes causes que les gens ne pardonnent pas, c'est un shaitan qui leur vient et leur insuffle son poison en leur faisant penser que le pardon, c'est l'acte des faibles. Il fait croire à l'homme qu'il perdra en masculinité s'il pardonne. Il sera faible, il ne sera plus respecté. Naam. Alors, il pense qu'en ne pardonnant pas, il est fort, il est brave, c'est un homme. Pire sur la femme, c'est qu'il la pousse à avoir des comportements homas. Il la pousse à avoir une fierté qui est mal placée, qui n'en est pas en réalité, mais c'est plus proche de l'orgueil et la vanité. Donc, elle n'arrive pas à être humble. Elle n'arrive pas à revenir comme le prophète sallam l'a éduqué. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Ma naqasat sadaqatun min mal » وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. Le prophète alayhi wassalam nous dit, comme le rapporte l'imam muslim, une aumône n'a jamais fait diminuer des biens d'une personne. Et par le pardon que l'homme accorde, Allah ne fait que lui ajouter en puissance. Voyez-vous, ici on vient éduquer et enlever des idées reçues. C'est que de donner l'aumône, sadaqa, ça ne diminue pas les biens. Et de donner le pardon, ça n'affaiblit pas. Au contraire, Allah t'ajoute avec cela puissance. Et il n'y a pas une personne qui s'humilie pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Sans qu'Allah azzawajal ne l'élève. Voici l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le pardon du fort accordé au faible est le pardon le plus complet et le plus parfait. Le pardon lorsque tu es en capacité de te venger, le pardon lorsque tu es en capacité de nuire à la personne et de lui causer du tort ou de prendre pleinement ton droit, à ce moment-là tu accordes ton pardon. Ça c'est le pardon le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas le pardon lorsque tu n'as pas le choix. Non pas le pardon qui est accordé lorsque tu n'as pas le choix. Et pour finir cette introduction, méditons la situation et la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti proposer l'islam aux gens de Taif. Ils l'ont accueilli en l'insultant, en lui jetant des pierres, en le molestant. Et c'est un des jours qu'il a trouvé le plus difficile dans le chemin d'Allah. Comme il a dit Aïcha radiallahu anha, na'am. Allah azzawajal lui envoie Jibril, alayhi salam, qui lui dit qu'il y a là l'ange des montagnes. Et qu'il attend son ordre s'il le souhaite. Il fera, yani, il exterminera son peuple entre les deux montagnes. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors qu'il vient de subir de grandes injustices, alors que son rang est le plus grand chez Allah azza wa jalla, alors qu'il a proposé la meilleure des choses, l'islam, il a répondu, bel arju, an yukhrij Allah min aslabihim man ya'bud Allah wahdahu la yushriku bi shay'a. Non, je souhaite plutôt, j'espère plutôt qu'Allah fasse sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah seul sans rien lui associer. Allahu Akbar. Il n'a pas voulu son droit, il n'a pas voulu se venger pour sa personne. Mais il a pensé à l'islam. Il a pensé à l'islam. Il a pensé au droit d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ça, c'est l'excellence. On t'opprime, mais ce qu'il y a, toi, ce sur quoi tu es focalisé, c'est comment faire avancer l'islam. Comment faire en sorte que les gens, na'am, tirent profit de l'islam. Et si on observe la situation aujourd'hui à Taif, que se passe-t-il? Il y a l'islam. Il y a les musulmans. Il y a Tawhid. Il y a même des séminaires connus de savants. Allahu Akbar. Une des causes, le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mansuétude. Et les histoires du prophète alayhi salatu wassalam, na'am, sont très nombreuses. Les histoires du prophète sont très nombreuses. Après avoir subi 23 ans d'injustice, ou 22, lorsqu'il a ouvert la Mecque et qu'il a réuni les gens vaincus, après avoir conquis la Mecque, il leur a dit « Ya ma'ashara Quraysh, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum ?»« Ô Quraysh, ô peuple de Quraysh, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils ont répondu « Khayran, akhun karim, wabnu akhin karim » Ils lui ont dit, tu ne feras de nous, allez, ce qu'on pense, le bien. Tu es un noble frère, fils d'un noble frère. Alors il leur a dit, Inni akulu lakum kama qala Yusuf li akhi, li ikhwati, je vous dis que comme a dit Yusuf à ses frères, la tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum. Nul grief aujourd'hui contre vous, qu'Allah vous pardonne. Naam, idhhabu fantum al-tulaqa. Donc, ça c'est les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ce chemin-là, ont continué les pieux prédécesseurs. Sur ce comportement-là, ont continué les pieux prédécesseurs. Un jour, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib raconte également cette histoire de Maymoun ibn Mihran. La servante est arrivée avec un plat, avec la nourriture. Et il avait des invités. Et ses pieds ont trébuché, et elle a fait tomber la soupe brûlante sur lui. Il s'est énervé, il s'est levé, et a voulu lever la main sur elle. Et là, une femme lui a dit, « Mets en pratique la parole d'Allah. » والكاظمين الغيظ, ceux qui contiennent leur rage. Alors il a pris du recul et a dit قد فعلت, je l'ai fait. J'ai contenu ma rage. Puis elle lui a dit, mais en pratique la suite. والعافين عن الناس, ceux qui pardonnent les gens. Il a dit عفوت عنك, je t'ai pardonné. Puis elle lui a dit والله يحب المحسنين, certes Allah aime les bienfaisants. Il lui a dit je t'affranchis. Yani, c'est ainsi. Quelques paroles d'Allah Azza wa Jal suffisaient à faire fondre leur colère, suffisaient à faire fondre leur envie de vengeance. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut espérer la récompense d'Allah et il faut prendre pour exemple Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, certaines personnes ne méritent pas le pardon. Mais là, on ne parle pas de ce sujet. Mais il ne faut pas, pour autant, se trouver des excuses pour ne pas pardonner à ceux qui sont à même de recevoir le pardon. C'est pour cela qu'un des pieux prédécesseurs disait « La an andama ala al-afwi 20 marra ahabbu ilayya min an andama ala uqubatin marratan wahida » que je regrette d'avoir pardonné à une personne 20 fois mais préférable au regret d'avoir puni une personne qui ne convenait, ou ça n'était pas convenable qu'une seule fois. Je préfère me tromper 10 fois en accordant le pardon que me tromper une seule fois en ne pardonnant pas et en donnant la punition. Naam, en donnant la punition. Wallahu al-musta'an. L'imam al-Bukhari nous a mentionné une histoire des plus poignantes, une leçon de biographie du prophète alayhi salatu wassalam pour ce chapitre. Et ceci est vraiment témoin et est vraiment cela manifeste clairement l'intelligence et la grande compréhension de l'imam al-Bukhari. Car on aurait pu citer beaucoup de textes, mais lui nous a mentionné un hadith qui regorge de science et de leçons dans ce sujet. An Anas أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه nous dit qu'une femme des gens du livre apporta au prophète صلى الله عليه وسلم une brebis empoisonnée. C'est-à-dire qu'elle a préparé de la nourriture et elle l'a mis du poison. Elle a mis du poison, puis elle en a offert au prophète alayhi salatu wassalam. Il en a mangé. Il en a mangé. Suite à cela, ils l'amenèrent à lui. C'est-à-dire son plan fut déjoué. On l'amena donc au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'elle témoigne de son action. Et en effet, elle a reconnu cela. Alors, ils ont demandé au prophète sallam, est-ce que nous allons lui appliquer la peine capitale? Il a répondu non. Il a répondu non. Il l'a excusé. Anas, radiallahu anhu, nous dit, je ne cessais de reconnaître les traces du poison dans la luette du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, yani, lorsqu'il ouvrait la bouche, ce qu'on voit au fond de la gorge, Anas ibn Malik nous dit, je ne cessais de voir les effets, naam, de l'empoisonnement. Ce hadith-là nous enseigne beaucoup de choses. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ô combien il était endurant face à la nuisance qu'il rencontrait sur le chemin d'Allah, dans la transmission de l'islam, dans la transmission de l'islam. Cette femme-là a reconnu avoir tenté d'assassiner le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré ça, il l'a excusée. Les circonstances, premièrement, elle n'est pas musulmane. Deuxièmement, elle a tenté de le tuer, l'assassiner. Troisièmement, d'une manière les plus douloureuses, l'empoisonnement. Quatrièmement, elle l'a trahi. Elle a fait miroiter un cadeau, elle a montré un cadeau qui en réalité est empoisonné. Donc par la trahison. Et la trahison est un des actes les plus méprisables et les plus douloureux. Le point suivant, les traces de la nuisance ont perduré. Comme a dit le prophète sallam, je ne cesse de ressentir les effets. Donc ce n'est pas un mal qui a eu lieu et qui s'est interrompu. Non. Avec toutes ces conditions réunies, le prophète alayhi salatu wassalam l'a excusé. Comment se fait-il? Tout cela pour arriver où, cher frère? Comment se fait-il alors que lorsque notre frère en Allah nous cause un tort ou une petite nuisance, nous n'arrivons pas à lui pardonner? Comment se fait-il que nos comportements ne nous permettent pas d'agir ainsi? Comment se fait-il que la sœur n'arrive pas à pardonner à sa sœur? Que le frère n'arrive pas à pardonner à son frère. Pour une petite erreur que te fait ton frère en Allah Azzawajal ou ton frère de sang. Alors que cette nuisance ne se rapproche pas d'un dixième de ce qu'a fait cette femme au prophète alayhi salatu wassalam comme tort. Et lorsqu'une personne vient pour intercéder et tenter de réconcilier, tu entends l'ignorant des textes. L'ignorant de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam dire par Allah, je ne lui pardonne pas jusqu'au jour de la résurrection. Mon cher, sais-tu ce qu'est le jour de la résurrection? Crois-tu savoir de quoi tu parles? Sais-tu que le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit celui qui n'excuse pas ne sera pas excusé? As-tu oublié toutes les fautes? Tous les péchés qu'il y a entre toi et Allah, qu'il t'a couvert, personne ne le sait. Après, tu te permets de prononcer ces termes. Et qu'aurais-tu à gagner que ton frère se fasse châtier le jour de la résurrection? Mais il ne se contente pas de cela. Il va dans tous les coins de rue pour salir l'image de son frère. Parce qu'il a une opinion tellement élevée de lui qu'il a oublié ses péchés entre lui et Allah. Alors il tente de le salir dans tous les endroits, parce que son cœur est sale. Il n'arrive pas à le pardonner parce qu'il est faible. Pour pardonner, il faut être fort. Pour excuser, il faut être fort. Mais faible qu'il est, Il ne se contente pas de ne pas l'excuser. Non, il veut l'exterminer. Il veut lui nuire, il veut le briser. Il veut pourrir son futur. Pourquoi? Parce que du fait qu'il n'arrive pas à le pardonner, à lui pardonner, il vit dans son cœur dans les ténèbres. Alors, c'est ce qui va refléter dans ses volontés. Au contraire, celui qui arrive à pardonner, son cœur s'apaise, il se repose. Alors il va refléter la tranquillité. Parce que de ne pas excuser, ça requiert des forces, de l'énergie. C'est un moteur qui continue à tourner. La haine, la vengeance, l'envie du mal, c'est lourd. Ça ternit, ça salit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la médisance. Lorsque ça n'est pas assez sale, il tombe dans la calomnie. Puis il raconte, en faisant pencher l'histoire d'éloge vers lui et pencher l'histoire vers l'autre de mauvaise qualité et de défaut. Il raconte l'histoire, quand tu entends l'histoire, lui c'est un ange et l'autre c'est le diable. Il ne reconnaît aucun tort. Et impute le tout à l'autre. C'est ainsi qu'ils font. Oui, mais lui, il a dit, et il l'a fait, et en plus, je lui avais dit, et je lui avais fait, comme les petits-enfants. Subhanallah, vous êtes des adultes, vous êtes des parents, peut-être des grands-parents. Et on n'a pas là, on n'arrive pas à prendre de la hauteur, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à se dire, regardez le prophète, alayhi salam, qui est-ce qu'il a excusé? Plus vil, bas et moche que cela, ce qu'on peut trouver dans les foyers entre frères de sang, pour un bout de terre, pour un héritage, ils se font la guerre, ils se volent, puis ils ne se parlent plus. Certains vont plus loin, ils interdisent même à leurs enfants de parler aux enfants des autres, ils brisent les liens de parenté. A'oudhou billah. Il y a le feu dans ces foyers-là. La femme ne parle plus à sa sœur. Le frère ne parle plus à son frère. Naam. Ou ce qu'il y a entre les époux. Tout cela vient du shaitan. Pire que cela, des choses que je n'avais jamais pensé voir. Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. A'oudhou billah. Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents. La hawla wa la quwwata illa billah. Tout cela pour de la dunya. Tout cela pour de la donner. Comment est-ce que la fille peut dire elle ne parle pas à sa mère? Elle l'a portée dans son ventre, elle l'a accouchée, elle a vu la mort devant elle en la mettant au monde. Naam, elle a oublié toutes ses douleurs juste en la regardant une fois, en la posant sur son sein. Subhanallah. Et cette fille, ennemie de sa propre personne, dit: je ne lui pardonne pas à ma mère, je ne parle pas à ma mère. A'oudhou billahi minash-shaytanir rajim. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas ça. Où l'épouse dit, je ne lui pardonne pas, elle ne pardonne pas à son époux, juste et je l'attends le jour de la résurrection, et ce genre de paroles. Allahu Akbar. Sais-tu de qui tu parles? Tu parles de l'homme qui a le plus de droits dans le monde entier présentement. Plus que tes propres parents. Plus que tous ceux que tu respectes. Mais lui, tu lui manques de respect parce que tu ne connais pas l'islam. Mais lui, tu lui manques de respect parce que tu ne connais pas la valeur de l'époux en islam. Et tu ne connais pas ta place, tu ne connais pas la sienne. Tu es ignorante et tu es ennemie de toi-même. Tu penses être forte alors que tu es dirigée par tes passions et par ton shaitan, wal'iyadhu billah. Ou l'homme, son épouse, agit avec excellence. Et elle lui fait du bien de jour comme de nuit. Une fois, elle commet une faute et il ne lui pardonne jamais. Et il la critique. Naam. Et il la rabaisse, et il se moque d'elle, et il l'appelle par les noms les plus laids. Mais as-tu oublié les fautes qu'il y a entre toi et ton Seigneur? Certes, ton droit sur elle est immense, tout comme tes devoirs envers elle le sont. Mais n'oublie pas le bien qu'il y a entre vous, et n'oublie pas les péchés qu'il y a entre toi et Allah Azzawajal. Allah te couvre et il te pardonne et tu espères son pardon. De la même façon, accorde aux gens ce que tu espères trouver chez Allah Azza wa Jal demain. Notre comportement a besoin de comportement. On a besoin de sincérité, de véracité dans les actions. Et n'écoutez pas les mauvais conseillers, le shaitan, et n'écoutez pas ceux qui vous font croire que de pardonner, c'est une faiblesse. N'écoutez pas les mauvaises assises, les mauvaises fréquentations. Mais faites pour Allah, pardonnez pour Allah. Et chacun de nous, en écoutant ces textes, on pense à des gens. On pense à des gens qui nous ont nui, qui nous ont causé du tort. En écoutant ces textes, allons-nous trouver la force de leur pardonner, de les excuser et de passer outre les nuisances que nous avons pu subir. Pas pour nous, mais pour Allah Azza wa Jal, à la recherche de la récompense d'Allah, à la recherche du pardon d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. À la recherche du pardon d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas pour obtenir un bienfait de ce bas monde, non. Juste pour la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-toi, Wallahu yuhibbul muhsinin. Tu vas obtenir l'amour d'Allah azza wa jal. Naam, tu vas obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour finir, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit « An Wahb ibn Kaysan, qala sami'tu Abdallah ibn Zubayr, yaqulu ala al-minbar. » عفوا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها منهم ما صحبتهم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى نجي selon وهب بن كيسان j'ai entendu Abdullah ibn Zubayr dire, rahimahullah, par Allah, ou avant cela, sur le minbar, il a dit, donc il a lu la parole d'Allah Azza wa Jal, dont la traduction des sens en français serait, prends ce qui est facile, yani excuse les gens, prends deux, yani ce qu'ils font. Ils ont traduit pardonne, ordonne le convenable et écarte-toi de ceux qui dépassent les limites, ou bien des ignorants. Puis il a dit, par Allah, il n'a ordonné cela qu'afin que nous prenions les comportements des gens. Et par Allah, nous les avons pris d'eux, nous les prendrons d'eux aussi longtemps que nous les accompagnerons. Expliquons ce athar de ce noble enfant de compagnon, radiallahu anhu wa rahima. Ici, Abdullah ibn Zubayr est sur le minbar. Il récite ce verset. Khudh al-afw. Ay as-sahl min an-nas. Yani, supporte le comportement des gens et accepte ce qui leur est facile, c'est-à-dire les gens ont différents niveaux, na'am, acceptent d'eux et supportent. Na'am, en d'autres termes, ne soient pas intransigeants, ne soient pas intransigeants en voulant de l'ensemble des gens, quel que soit leur rang et leur niveau, la même chose à la perfection. Non, ne sois pas ainsi. Facilite. Wa'mur bil'urf. Aïl Ma'ruf ordonne le convenable. Ordonne le convenable. Donc, tu ne vas pas te contenter de fréquenter les gens, voir les défauts et laisser la chose ainsi. Non. Mais recommande le bien, proscris le mal. Naam, oriente-les vers le bien. Wa a'rid 'anil jahilin. Et éloigne-toi, détourne-toi des ignorants. Détourne-toi des ignorants. Ne va pas débattre avec eux alors que ce sont des transgresseurs. Détourne-toi, évite leur mal. Évite leur mal. Certains savants disaient que ce verset est un des versets du Coran qui réunit le plus les nobles caractères. Car tu vas apprendre à te comporter avec la masse et tu verras qu'ils sont à des degrés différents. Parmi eux, il y a le savant pieux. Parmi eux, il y a l'ignorant. Parmi eux, il y a le véridique. Parmi eux, il y a le menteur. Parmi eux, il y a le sincère. Parmi eux, il y a le traître, le comploteur, le doux, le dur, et ainsi de suite. Tu ne peux pas prendre tous ces gens-là de la même manière. Tu dois adapter, tu dois t'adapter. Certains, tu les rencontres, tu les fréquentes. Certains, tu les conseilles, d'autres, tu les évites. D'autres, tu les évites. Prends en considération leur niveau de science, de comportement. Naam. Et ne dis pas, je fais comme on me fait. Pourquoi tu as menti? Parce qu'il me ment. Pourquoi tu l'as trahi? Parce qu'il trahit. Non. Toi, tu ne feras pas mieux à celui qui a désobéi Allah envers toi que d'obéir Allah Azza wa Jal envers lui. Tu ne feras pas mieux pour te venger de celui qui désobéit Allah envers toi que d'obéir Allah envers lui. Et sache que ton droit est préservé chez Allah Azza wa Jal et que rien ne se perd auprès d'Allah. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah a tout enregistré et eux ont oublié. Ceux qui te font du bien, sois reconnaissant et essaie de les rétribuer, de les dédommager. Ceux qui te nuisent, tente d'endurer et de repousser leur mal et de les conseiller. Et ceux qui transgressent, détourne-toi d'eux. Détourne-toi d'eux et fais en sorte que sur ton passage, tu sois un nasir, tu sois le noble conseiller. Naam, tu sois le noble conseiller. Barakallahu fikum. Quelques textes, ou plutôt une parole d'Ibn al-Qayyim rahimah, quelques paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sur le sujet. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, Yabna Adam, au fils de Adam. Plus loin, il nous dit, Inna baynaka bayna Allah khataya wa dhunubun la ya'lumuha illahu. Il y a entre toi et Allah des fautes et des péchés que nul ne connaît si ce n'est lui. Wa innaka tuhibbu an yaghfiraha lak Allah. Et tu aimes ou tu aimerais qu'Allah te les pardonne. فَإِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَغْفِرَهَا لَكَ فَغْفِرْ أَنْتَ لِعِبَادِ. Et si tu aimerais qu'Allah te les pardonne, les efface, toi, pardonne à ses serviteurs. Et si tu aimerais qu'il absout cela pour toi et les fasse disparaître, toi, absous. Et fais disparaître ce qu'il y a entre toi et les serviteurs d'Allah. Fa innama al-jaza'u min jinsi al-amal. Car certes, la rétribution, na'am, sera selon tes actions. Sera en fonction de tes actions. Tu pardonnes ici, on te pardonne là-bas. Tu te venges ici, on se vengera de toi là-bas et on demandera. Tu demandes ton droit ici, on demandera le droit là-bas. Naam. Et comme il fut dit, من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. Qui n'a jamais fait de faute et qui n'a en lui que des qualités. Naam. Qui peut répondre moi? Qui peut répondre moi et être véridique? La hawla wa la quwwata illa billah. Et Muhammad ibn Mulflih al-Maqdisi al-Hambali rahimahullahu ta'ala a intitulé un chapitre Fil afwi amman zalama wa ja'li fi hil, chapitre au sujet de celui qui pardonne à celui qui lui a opprimé, na'am, et l'excuse. قال صالح لفيز دي الإمام أحمد رحمه الله تعالى دي دخلت على أبي يوما فقلت بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الأنماطي صالح رحمه الله entre chez son père l'imam Ahmed رحمه الله et lui dit Il m'est parvenu qu'un homme est entré chez Fadl al-Anmati, donc un de ceux qui a été, un des gens de science qui ont été éprouvés lors de la fitna. Et lorsqu'on contraignait les gens à dire que le Coran est créé, un de ceux qui ont été torturés, qui ont subi du mal, un homme est rentré auprès de lui et lui a dit, « Ij'alni fi hillin idha lam akum binusratik. » Je te demande de me pardonner du fait que je ne t'ai pas secouru. Naam, du fait que je ne t'ai pas secouru. Al-Fadl, ou Fadl, lui a dit, La ja'altu ahadan fi hil, fatabassama abi wa sakat. Al-Fadl a répondu, je ne pardonne personne. Naam, pour cette histoire. C'est-à-dire, tous ceux qui se sont tus dans la fitna, lorsqu'on a contraint les gens à dire que le Coran est créé, tous ceux qui n'ont pas secouru la vérité, je n'en pardonne aucun parmi eux. L'imam Ahmed a souri et il s'est tu. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لِي مَرَرْتُ بِهَذِي الْآيَةِ فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ L'imam Ahmed رحمه الله تعالى avait donc souri et s'est tu. Après quelques jours, il a dit à son fils, qui lui avait raconté cette histoire, « Regarde, je suis passé par ce verset. »« Faman afa » et quiconque pardonne, « wa aslah » et réforme, « fa ajruhu ala Allah » sa récompense sera chez Allah. « Fanadartu fi tafsiriha » J'ai alors regardé dans son explication, son exégèse. فَإِذَا هُوَ حَدَّثَنِي بِهِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنِ يَقُولُ Il dit, j'ai regardé dans le tafsir et j'ai alors vu qu'il y avait un hadith qu'on m'avait mentionné. Hashim ibn al-Qasim rapporte que le Mubarak a rapporté de ceux qui avaient entendu de l'Hassan dire Ida ja'ida ja'atil umamu bayna yadayi rabb Ida ja'atil umam bayna yadayi rabbil alamin yawm al-qiyamah وَنُودُوا لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَى فِي الدُّنْيَا L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala mentionne l'explication du verset qui nous enseigne que celui qui pardonne sa récompense sera chez Allah. Lorsque les communautés viendront face au Seigneur des mondes le jour de la résurrection et qu'on appellera que se lèvent tous ceux dont la récompense est chez Allah. Azza wa Jal et ne se lèvera que celui qui avait pardonné aux gens dans ce bas monde. Allahu Akbar. Qala Abi Salih nous dit, mon père a dit, c'est-à-dire l'imam Ahmed rahimahullah, faja'altu al-mayyita fi hil min darbihi iyyai. Il nous dit, ce grand imam, l'imam de Ahli Sunnat et Wal Jama'a, j'ai alors pardonné aux morts de m'avoir battu. Il le torturait, il le frappait pour le contraindre à dire que le Coran est créé. Mais lui ne pouvait mentir sur Allah, sur l'attribut d'Allah, que le Coran est la parole d'Allah. Alors il dit, j'ai pardonné à ceux qui étaient dans leur tombe de m'avoir battu. Puis il s'est mis à dire, وَمَا عَلَى رَجُلٍ أَلَّا يُعَذِّبَ اللَّهُ تَعَالَى بِسَبَبِهِ أَحَدًا. Et qu'aurais-je à gagner un homme de voir autrui se faire châtier par Allah à cause de lui? Qu'aurais-tu à gagner qu'on châtie quelqu'un à cause de toi? Et un jour, alors qu'on soignait ses plaies, il disait, Allahumma la tu'akhidhum. Oh Allah, ne les châtie pas. Allahu Akbar. Et nous, pour un oui ou pour un non, on est prêt à ne pas pardonner à nos frères. La hawla wa la quwwata illa billah. Oh, combien notre foi est faible. Et lorsqu'il fut guéri, on lui mentionna ses invocations. Il a dit na'am. Il a dit oui. Ahbabtu an alqa Allah ta'ala wa laysa bayni wa bayna qarabati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam shay qad ja'altu fi hil illa ibn abi duwad wa man kana mithlahu fa inni la aj'aluhum fi hil. Un des gouverneurs faisait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed a donc dit, je leur ai tous pardonné et j'ai souhaité rencontrer Allah le Très-Haut sans avoir aucune animosité, aucun conflit entre moi et un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je leur ai tous pardonné. Sauf Ibn Abi Duwad. C'était une des têtes des gens de l'innovation. Il a dit à lui, je ne lui pardonne pas, et ceux qui sont à son image, c'est-à-dire les prêcheurs de l'innovation qui égarent la communauté. Il y a beaucoup d'autres histoires à raconter, mais je finirai par celle-ci. Qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala mentionne dans Madarij al-Salikin, que mon fidèle ami m'a offert il y a peu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, je vais tenter de traduire directement, ici est le lieu de mentionner la célèbre histoire. Certains connaisseurs nous rapportent qu'un enfant, ou plutôt qu'un servant, a été viré et exclu de la demeure de son chef. Et alors qu'il errait dans une des rues, il a vu une porte s'ouvrir. Et un enfant en est sorti. Et il appelait sa mère au secours, ou plutôt il appelait au secours, à l'aide, et il pleurait. Et derrière cette porte, c'était sa propre mère qui l'avait viré jusqu'à le faire sortir. Elle lui a alors claqué la porte au visage. Elle est rentrée. L'enfant est parti, mais non loin de chez lui. Puis il a pris place en méditant. Il n'a trouvé d'autre lieu pour se réfugier, si ce n'est à la porte de laquelle il venait d'être viré. Et il n'a trouvé pour le recueillir et l'abriter, si ce n'est sa mère, celle qui venait de le virer. فرجع مكسور القلب حزينا. Il est donc revenu, le cœur en mille morceaux, pleinement attristé. Il a trouvé la porte scellée. Il s'est donc mis sur le pas de la porte, la joue sur le paillasson, et il s'est endormi. C'est alors que sa mère est sortie Et lorsqu'elle l'a vu dans cet état, elle n'a pu se retenir. Elle a plongé sur lui, elle s'est jetée sur lui, elle l'a couvert. Elle l'a embrassé, elle l'a serré et elle s'est mise à pleurer. Puis elle a dit, « Ya waladi, aina tadhhabu anni ?» Oh mon enfant, où peux-tu, où, yani, comment pourrais-tu t'éloigner de moi? Où iras-tu sans moi? Et qui pourra t'abriter si ce n'est moi? Alam aqul lak, la tukhalifni, wa la tahmilni bima'siyatika li ala khilafi ma ji'd. جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك. Ô mon enfant, ne t'ai-je pas dit de ne pas me contredire, de ne pas me désobéir et de ne pas me pousser à travers ta désobéissance à agir contrairement à ma saine nature qui est la miséricorde, la pitié envers toi, la compassion envers toi et le fait de vouloir le bien pour toi. Puis elle l'a pris, elle est rentrée chez elle. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, médite les paroles de la mère. Ne me pousse pas à travers ta désobéissance à agir contrairement à ma saine nature, qui est la miséricorde et la compassion. Et méditer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'Allahu arhamu bi'ibadi min al-walidati bi-waladiha. Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que la mère envers son enfant. Et comment pourrions-nous comparer la miséricorde d'une mère et celle d'Allah qui a embrassé toute chose? Lorsque le serviteur met en colère son Seigneur, c'est par son péché. Et ainsi, il a causé l'éloignement de la miséricorde d'Allah sur lui. Mais dès lors qu'il se repent et revient à lui, il a tiré vers lui ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui faire, c'est-à-dire comme miséricorde, comme bien, et qu'il est plus à même de faire. Et qu'il est plus à même de faire. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. Ceci est un rappel, et le rappel est profitable aux croyants. Nous avons lu, nous avons entendu, agissons maintenant sans plus tarder. Wa salli Allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته